Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Faites-vous quelque chose de sale. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? J'y ai vraiment trop cru. Voici venue l'heure du Memento. Good morning, Vietnam! Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Memento. Ce soir, on est trois en studio, Nicolas. Hello. Tim. Ah. Et moi-même, et bien pour décrire, parce que décrire une musique passe souvent par des mots forts, sans trop de concessions, souvent totalement exagérés, et bien l'épisode de ce soir sera dédié au superlatif, le morceau le plus bordélique, la track beaucoup trop courte, une catégorie, trois chansons, et on en discute. Le Memento Battle des superlatifs, c'est tout de suite sur Radio Panique. Command the Hives, le premier morceau de ce Memento dédié au superlatif. Et première catégorie, les chansons trop courtes. Là, on était en plein dedans, en tout cas. La petite idée, hein, pour la petite histoire, comme l'émission vient à peine de commencer, la petite idée, c'était de... Ouais, cette petite battle, ça nous venait d'un podcast qu'on avait écouté où bah, y a une présentatrice, un présentateur et un invité, parfois deux, qui débattent sur des musiques qu'ils choisissent, et la présentatrice ou une autre personne après élit un petit vainqueur. Il n'y aura pas de vainqueur, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant ce soir, mais on trouvait le petit concept assez sympa pour une petite émission de jukebox, comme on aime les appeler, où on choisit Exactement. Les petites musiques qui nous plaisent. Et du coup, la première catégorie de ce soir, tu l'as déjà un petit peu dit, c'était les chansons un petit peu trop courtes. On avait The Hives Common, et la deuxième, c'est toi, Tim, qui l'as choisi, je pense. Oui, c'est une chanson d'un artiste français que j'adore, qui est marseillais d'origine grecque, et qui fait une sorte de comment appeler ça, une sorte d'électro-pop un peu vaporeuse avec des origines grecques, des fois des guitares justement un peu grecques, un peu turques, quelque chose de très méditerranéen en tout cas, et c'est des sujets qu'il aborde d'ailleurs dans ses chansons. Et là, c'est une chanson qui s'appelle La Solus, et l'artiste s'appelle Johan Papa Constantino. Et c'est bien trop court. J'ai trouvé la solution pour me mettre bien. J'suis caché sur un Et Et c'était donc Johann Papakonstantinou pour cette chanson bien trop courte, puisque même nous en studio, on n'était pas prêts pour réenchaîner. On n'a pas l'habitude, hein. Ouais, ça, c'est sûr qu'on est parti sur quoi ? 1 minute 30, 1 minute 37, je crois, quelque chose comme ça. Très très court. Et là, on attaque donc cette deuxième catégorie qu'on a appelée les morceaux qui montent pour rien. En gros, c'est des morceaux qui font un peu monter la sauce pour finalement ne jamais débouler sur quelque chose de très concret, quelque chose de très frustrant, comme un acte sexuel qui finirait pas, par exemple, ou un truc comme ça. On va pas se mentir, exactement. Et le premier morceau était proposé par l'un d'entre vous. C'était par moi. Et j'avoue que cette catégorie, quand on l'a choisie, je me suis dit, ah bah oui, parce que ça faisait référence à un sentiment que j'avais déjà connu, mais des centaines de fois ou des dizaines de fois, au moins, en me disant, bah oui, je connais tellement de chansons frustrantes. Et puis dès qu'on s'est retrouvé, enfin en tout cas c'était mon cas, dès que je me suis retrouvé devant l'ordi à devoir chercher... C'était trop la merde. Eh ben c'était trop la merde, parce que tu ne crées pas une playlist de musique trop frustrante, en fait, tu ne les enregistres pas dans ton ordi ou dans ton Spotify ou dans ton YouTube ou peu importe. Et donc moi, il y en a une qui m'est revenue. Alors, triple choix, parce qu'elle entre un petit peu dans la catégorie d'avant, à savoir qu'elle est très courte, et ce qui engendre un peu la frustration aussi. Alors, le thème de la catégorie, c'était « qui ne monte jamais ». Là, pour le coup, c'est un petit mensonge, parce qu'elle monte quand même un petit peu, mais elle monte le temps de une ou deux mesures, et puis bam, fin de la chanson. D'où la petite frustration, vu que ça monte, t'as envie de voir ce qu'il y a. Ce qui arrive est bien, mais dure vraiment deux mesures, et c'est « Chassol », on l'écoute, on en reparle juste après. On sait maintenant que c'est une langue à part entière, qui s'est formée sur à partir d'un fond lexical précis, et dans un substrat particulier, et évidemment, on comprend bien pourquoi le créole, qui a à majorité lexicale française, a cette sonorité, parce que les esclaves, donc déportés, qui se sont retrouvés de différentes nations, ne pouvant pas communiquer entre eux, ils entendaient ce que disaient les maîtres, ils le reprenaient, mais par leur gosier, par leur encas phonatoire, par leur encas phonatoire, par leur encas phonatoire, par leur encas phonatoire. Alors le parleur organe phonatoire, c'est voilà, c'est bien, ça monte, il y a un petit beat et tout, on se sent bien, on l'a eu en concert, je pense, Arthur. Tu n'y étais pas. Ah oui, non, j'étais avec d'autres gens, excuse-moi, mais on en a parlé beaucoup après. Et cette chanson en concert, les petites mesures organe phonatoire, on l'entend, ça a ambiancé toute la foule. C'était au Parc Royal, ici, devant le Palais Royal. Mais ça a duré vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop peu de temps, c'était très frustrant. Par contre, il y a des chances que je sois au prochain de Chassol, puisqu'il passe le 13 décembre à l'Abbaye. Quelle perche tu me lances ! Ben oui, ça tombe bien, pleine actualité pour lui. Il sort un nouvel album l'année prochaine, en 2020, il s'appelle Ludi. Il a sorti un single issu de ce futur prochain album qui est dispo sur toutes les plateformes, j'imagine. Et il sera en concert pour présenter ce nouveau projet décembre, le 13 décembre 2019 à l'ancienne Belgique. Donc voilà, si ça vous plaît... Bon, là, l'extrait était très court pour se faire une idée de tout ce qu'il peut faire, mais c'est des trucs très sympas. On en a déjà parlé dans Memento, donc on ne va pas le réexpliquer une nouvelle fois. Si vous voulez en savoir plus, allez donc sur... Tapez donc le Memento dans Spotify, dans la catégorie podcast, et vous nous trouverez avec un magnifique logo fait par Fanny Lecar, que l'on remercie, et duquel on va mettre le logo bientôt sur Facebook aussi, parce qu'on a beaucoup de retard. Mais en tout cas, Memento, Spotify, le podcast, tout ça est là pour vous. Il y a une petite cassette, vous le retrouverez très facilement comme petite artwork. Exactement. Voilà, c'est dit. Il est temps de passer à quoi ? La chanson suivante, toujours dans la même catégorie, on le rappelle, qui est... Oui, mais qui est donc le morceau qui monte et qui n'explose jamais vraiment. En même temps, ça aurait pu être totalement du random aussi, parce que il s'agit de Andy Schauf. Andy Schauf, artiste que j'ai découvert avant-hier grâce à mon collègue qui écoutait ça dans le bureau. Et je lui ai dit « Ah, c'est cool !» Et donc je me suis dit « Voilà, random façon de découvrir une musique très chouette. » Sauf que galérant pour trouver un morceau qui monte pour rien, eh bien je me suis rendu compte que cette musique montait sans jamais vraiment d'explosion. Alors voilà, Andy Schauf, You're Out Wasting, artiste un peu dans la veine de un peu Sufjan Stevens, quelque chose comme ça, un petit peu plus pop, quelque chose de très folk et doux. C'est bien dit. Andy Schauf, You're Out Wasting, live sur à la radio KCRW. The bill of bills is too looking to please, floating forth a message hidden in the trees. The weary voice inside you is echoing the night. The healing in the morning light. Where you're wasting time. With the reggae, with the reggae, till the early morning, there you more may be, and send you my greetings for happy holidays, and spend my open eyes on the things that left behind. My sturdy feet, my hopeful life. Well, you're a waste of time. With the reggae, with the his money molds it in the light. He folds the ends together and keeps it by his side. He counts his every blessing heaped upon our heads and tells us to remember them. J'ai cru jusqu'au bout, hein. Je me suis dit, en fait, non, il a quand même décollé un petit peu, le gars, à la fin. Ben non. On y croit tout le long. Et puis Après, on va. J'allais dire, on va pas se mentir, mais ça, c'est un tic de langage dont on se moque allègrement et il ne faut pas se moquer, c'est mal. Mais on va pas se mentir, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas meilleur terme pour dire ce qu'on allait dire. C'est quand même très joli, on l'a tous dit, on était tous les trois assez unanimes à ce propos. Oui. Hein. Eh bien, un grand merci à Anton. Mon collègue. C'est un petit peu la morale de l'histoire. Faut pas forcément que ça pète pour que ce soit beau et que ce soit plaisant. C'était très chouette. Ça n'a pas explosé, mais c'était très chouette. Mes amis, est-ce qu'il serait pas temps de passer dans à la. Dans une énergie assez proche, quelque part. Dans la suite, oui. Une autre catégorie, mais une énergie assez proche, positive, on va le dire. Nouvelle catégorie qui est la reprise absurde. Je vois qu'il y a pléthore de belles propositions devant mon ordinateur, mais on va commencer avec un titre qu'on a presque choisi à deux, parce que sans le savoir, on a parlé du même artiste, mais pas de la même chanson, Tim et moi. Parle-nous un peu de la musique que tu as choisie, Tim. Attends, tu parles de laquelle, du coup, celle qu'on a choisie à deux ou celle que moi j'ai choisie ensuite, du coup? Ensuite, du coup. D'accord, donc on part sur Señor Coconut? Non, on part sur l'autre, on s'est pas compris. D'accord, on s'est pas compris. Dans ce cas-là, alors on part sur... Et là, on a triché un peu parce qu'il ne s'agit pas d'une vraie reprise, mais il s'agit plutôt d'une... Réinterprétation dans le sens où l'artiste qui a fait ça a gardé la voix originale de Kurt Cobain de Nirvana. Dont le pull est d'ailleurs aux enchères avec les trous de cigarettes et je crois qu'il n'a même pas été lavé. Voilà, je ne sais pas à combien il va partir, mais je crois que c'est quelque chose d'assez unique. Et donc c'est un artiste qui s'amuse sur sa chaîne YouTube à reprendre juste la piste de voix de chansons très connues. Et là, il s'agit de Come As You Are de Nirvana. Et en fait, lui fait une réinterprétation derrière en essayant de changer complètement tout ce qui se passe. C'est-à-dire que cette chanson un peu déprimante de Nirvana devient un tube pop par excellence On dirait du Mac de Marco passé à la sauce bossa nova presque par moment. C'est magnifique. Et du coup, c'est une chanson qu'il a appelée « Come as you are, happy version ». Parce que vraiment, ça te met le smile, alors que c'est une chanson qui se veut hyper déprimante à la base. Petite question, est-ce que c'est pas l'exercice qu'on fait pas mal de gens sur YouTube, c'est-à-dire de transposer la chanson de mineur à majeur? C'est possible. Et de faire quelques adaptations pour que ça marche harmoniquement parlant? Il y a de grandes chances que ça soit quelque chose comme ça. C'est genre un peu pareil, mais pas tout à fait. Je me demande si c'est pas ça. C'est un exercice comme ça, en tout cas, on part sur des accords presque un peu jazz, ce genre de truc. Enfin, c'est... faut l'écouter parce que c'est assez unique et cette version elle est incroyable. C'est même pas drôle, c'est juste magnifique. Alors qu'à la base je pense que ça partait d'une blague, mais voilà. I don't. que vous l'avez sûrement reconnu, une reprise de Daft Punk, Around the World, repris par Señor Coconut. Et son orchestre. Et son orchestre. Et son orchestre. Juste avant, parce qu'on l'a pas dit, la reprise Happy Version de Come As You Are, c'était de Andy Reifeld. Voilà, comme ça, on l'a dit et on est calé. Toujours dans cette idée de la reprise de superlativement absurde, moi j'ai découvert il y a quelques mois un truc fait par les gens de NPR, qui est un peu l'équivalent de Arte aux États-Unis, je dirais, qui a invité Sting et Shaggy. Alors je ne sais pas si c'est une création de Shaggy. Non, ils ont fait un album ensemble, c'est ça. Ils ont fait un album ensemble, c'est ça. Eh bien, au cours de leur tournée, ils ont donc été faire ce fameux Tiny Desk chez NPR. Donc ce sont des live sessions dans leur bureau, littéralement, genre dans les bureaux, avec les bureaux autour et les étagères et tout leur bordel de bureaux. Il y a même les gens autour, hein, qui sont voilà, là, c'est ça, avec du public. Et ils ont plein d'artistes de ouf, parfois des petits groupes, parfois des trucs de dingue. Eh bien là, cette fois-là, c'était Sting et Shaggy. Shaggy de Wasn't Me et autres magnificences Mr. Bombastic. Mr. Bombastic, exactement, et autres magnificences jamaïcaines. Et en fait, ensemble, ils ont fait un album. En toute transparence, je n'ai pas écouté cet album. Par contre, cette vidéo me donne envie d'écouter cet album parce que sur la vidéo, eh bien, on voit qu'ils s'amusent énormément, tout simplement. On voit qu'ils rigolent un peu de leur statut de Shaggy, gros Jamaïcain, et sa grosse voix, Sting un peu le papy stylé de la musique. Et ensemble, eh bien, ils reprennent un morceau de Police, donc de Sting, et l'adaptent, et ça devient I'm a Jamaican in New York. Two, three, four. Come on, for Miss Selector, put your hands in the air one time. I wanna see you rock it up now. Whoa, hey. Tiny desk, I work with that. Whoa, whoa. We gotta rock it one time for the reggae beat. Whoa, whoa. Early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. Drink mine. I like my toast done on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You know, Mike. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa! I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Jamaican in New York. Talk to them, Mike. Modesty, propriety, hey, can lead to notoriety. Right. But you could end up as the only one. As the only one, Sting, tell them again. And on the sobriety, so rare in this society. I'm lighting candles brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa, whoa. Clap your hands one time. Hey. Let me see you rock it now, two time, come. Whoa, whoa. It's the early morning, clap along, let's go. Whoa, whoa. Take it now. Oh. Takes more than combat gear to make a man. Yeah. Takes more than a license for a gun. Yeah. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. And if you see me walking down the street, down the street, hey, a couple ladies by my side, by my side, Well, you should just know I just my swagger and my style. I'm a Jamaican in New York. Here we go. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. I'm a Jamaican Englishman in New York, Sting et Shaggy, ensemble sur le NPR Tiny Desk Session, où on entend bien le plaisir et c'est cet humour qu'ils ont pour ce qu'ils sont en train de faire, en fait. Hein. Et petite correction, c'est bien un morceau de Sting et pas un morceau de Police, puisque c'est sorti en 88, après qu'il soit un peu sorti de tout ça, on va dire. La suite, eh bien, en parlant de ville, justement... Oh, on l'a même pas fait exprès, c'est incroyable. Eh bien, on voulait aller vers la plus belle musique avec un nom de ville dedans, normalement dans le titre. Oui, ben ça va. Mais il y en a qui trichent. Hein, voilà. Je réinterprète les questions, c'est ce que je disais lors de mes examens oraux. je réinterprète la question, alors c'était pas très clair. Et donc moi j'ai choisi non pas un nom de ville dans le titre, mais effectivement dans le nom de l'interprète, puisque j'ai choisi une chanson de Dinah Washington qui s'appelle Cry Me a River. Alors Dinah Washington, on l'a surnommée la Queen of the Blues. Et moi j'aime vraiment bien, je la trouve déjà très jolie forcément, c'est pour ça que je l'ai choisie. Et j'aime bien le petit côté James Bond dans le thème de la chanson. Alors est-ce que c'est ça qui a inspiré ou est-ce que c'est l'inverse? J'avoue que je n'ai pas été fouillé dans les méandres de l'internet pour trouver la réponse à la question. Mais en tout cas moi ça m'évoquait ça, je trouvais ça très joli. Et on se l'écoute tout de suite, Cry Me a River de Dinah Washington. Too plebeian, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you. Cry Me River, Dinah Washington. Effectivement, évidemment, avec ces trois notes, trois, quatre notes qui font très, très, très James Bond. fort agréable, je trouve. Dans une autre, dans un autre style, mais qui respecte les règles, toujours avec un nom de ville dans le titre de la chanson. On va en enchaîner deux et on commence par Rocky Road to Dublin, la version par les High Kings. Je parle de version parce que c'est un grand, grand classique de la musique traditionnelle irlandaise. La version ici est un petit peu... un peu pop, c'est-à-dire un peu plus la version des Dubliners qui est vraiment le classique qui est genre le groupe le plus connu de traditionnel irlandais est plus calme. Là, c'est une version un petit peu plus musclée, mais pas désagréable. Et justement, les Dubliners, qui ne sont pas les gens qu'on va entendre, mais qui la reprennent aussi, disent toujours avant de chanter cette chanson-là que c'est une des meilleures chansons pour apprendre à parler anglais, parce que vous allez l'entendre, ça s'enchaîne assez vite. In the merry month of June, from me home I started, left the girls at June. Nearly broken hearted, saluted father dear, kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother. Then after eat the corn, leave where I was born, cut to stout black thorn, to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling o'er the bogs, frightening all the dogs. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, put the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full only ride. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits bright, and ere he took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, whenever he's on for drinking. To see the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, would set your heart a bubbling, and asked if I was hard, wages I required, till I was nearly tired of the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full ollie ra. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Well then I took a stroll, all among the quality bundle it was stole, all in a neat locality, something crossed me mind, when I looked behind, no bundle could I find. Upon me sick a woman inquiring for the rogue, sent me Connacht Road, wasn't much in vogue. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lully ra. Safely landed, called myself a fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was losing, poor old Aaron's Isle, they began abusing, hurrah me so society, shillelagh I looked like, Galway boys were nigh, and so I was a hobbling with a loud hooray, joined in the affray, me quickly cleared the way, for the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, put the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lolly ra. Hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for lolly ra, whack for lolly ra, whack for lolly ra. Lockdown, waiting patiently in the dark. I'm hiding out illegally from French officials, where I cannot be found in La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. La Ville Juif Underground. lockdown, there ain't no stars out in this neighborhood, just crooks and families. I'm peacefully content and I'm always around, sitting in the back cabin, in the view, drift on the ground. Solliciter un visa de long séjour en vue de la délivrance d'une carte de séjour compétences et talents. Le consulat général de France à Sydney a examiné votre demande de visa. En référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le visa a été refusé au motif que votre notoriété n'est pas établie. Vous pouvez contester de cette décision devant la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée de France, BP 83 609 44 36, Nantes CEDEX 1, dans un délai de 2 mois à compter de la présente notification. Say it's okay cause you're white, but I know some folk who got to leave in the city of light. We don't like the Velvets, we prefer the Beach Boys. Drugs and drink, you need to get sex toys. I will forever remain tightly secured in a bunker where I cannot be found, like a man on the run chased by 1,000 invisible hounds. We are, and this is a sick theme song for the Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. The Veil Dweef on the ground. Your teeth on the ground. Et c'était donc une chanson qui s'appelle Wildschwef Underground, d'un groupe qui s'appelle Wildschwef Underground, et qui vient de la ville de Wildschwef. Voilà. Sauf le chanteur dans qui la est banlieue australien. Voilà, le chanteur est australien, c'est pour ça que pendant une période un peu bordélique du morceau, il y a tout un truc sur une demande de visa qui a été refusée, ce genre de choses. Et en parlant de musique bordélique. Exactement, on fait des transitions qui ne sont pas prévues et qui sont... qui n'auraient pas été mieux si on les avait préparées. Exactement, voilà. C'est un peu frustrant d'ailleurs. C'est un peu... c'est vrai en plus. Et du coup, la troisième catégorie, du coup, dans cette battle de superlatifs, c'est la chanson qui est un peu trop bordélique, enfin, dans notre opinion en tout cas. Et Arthur, je crois que c'est toi qui as le premier morceau, qui est quelque chose d'assez étonnant, si on peut dire ça comme ça. Étonnant, exactement. Alors... plein de liens entre les catégories, parce que ici c'est une réinterprétation, c'est pas une reprise parce que c'est par la même personne, mais c'est une réinterprétation qui est vachement plus bordélique que l'original, sans être non plus un truc anarchique, sans être du Gogol Bordello, ouais. Ou de choses comme ça, mais quand on compare Déjeuner en paix version violon relativement calme, relativement chiante, comparé à ce qu'on va écouter, Trouve-je, eh bien, voilà, cette version-là, Déjeuner en paix, sur l'album Non si badar guarda e passa, qui est l'album qui, je pense, est un des albums fondateurs de ma culture musicale. Merci à mes parents pour ça. Eh bien, voilà, sur ce morceau, Déjeuner en paix, version guitariste de métal, qui, a priori, je ne sais pas si sur cet enregistrement-là, c'est le cas, mais en tout cas, apparemment, à l'époque, quand mes parents ont vu cette chanson en live, c'était un des rodis métalleux qui venait, avec sa grosse guitare de métal, jouer sur ce morceau. J'ai une petite question, du coup, est-ce que cette version de Déjeuner en paix étant une version pas du tout peace, est-ce qu'on pourrait l'appeler juste Déjeuner? Oui. Ok, très bien. J'approuve, merci beaucoup. Je vous laisse sur cette blague. Déjeuner, Stéphane Escher, en live. Les chenals du matin, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur la braise pour qu'elles prennent cette page de nuit. Ah non, ça n'est pas la dernière. Et qu'attends, je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. C'est pas du tout étonnant qu'il ait envie de déjeuner en paix, parce que avec le boucan qu'il est en train de nous foutre, Stéphane Echer, franchement, je comprends qu'elle a envie de prendre son café tranquillement, parce que même nous, on a envie de prendre notre bière tranquillement là avec ses... Comment tu veux lire ton journal dans un boucan pareil? Enfin, moi, j'y arriverai pas. Le bon. Journal du matin. Bon, Stéphane, ça suffit maintenant, Stéphane. Hein, ça c'est fini. Hein. Bref, on peut dire que ça colle parfaitement à la catégorie bordélique. Moi, merci. Déjà, rien que l'aspect accent. Moi, je trouve ça bordélique. On aurait dû jouer à la personne qui comprend le plus de mots durant le morceau. Je pense qu'on aurait été à 4 scores maximum. J'ai quelques années d'avance là-dessus. Mais j'ai compris café en riant. Voilà. Et c'est tout. Oui, c'est ça. Et déjeuner en paix, mais c'est facile, c'était le titre. Donc. Exactement. La suite, c'est moi. Enfin, la suite, c'est moi. Non, c'est mon choix. Je n'ai pas écrit de chanson bordélique. C'est une chanson du groupe anglais, un groupe, autant dire qu'on ne va pas être calme non plus pour la suite, quoique. Toy Dolls, un groupe punk rock anglais des années 70, fin des années 70, 79, qui est toujours d'actualité, ce groupe. Ils n'ont toujours pas arrêté, 40 ans plus tard, ils sont toujours là. Mais pas vraiment dans leur intégralité, puisque, hormis le chanteur, qui est là depuis 40 ans, ce sont pas moins de, attention, 23 musiciens qui se sont enchaînés tout au long de la carrière du groupe. Wow. Et j'allais justement dire, ouais, trop bien, la vieille bande de potes, ça fait 40 ans qu'ils jouent ensemble, trop stylé. Non. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est pas un brass band, c'est pas un orchestre, hein, c'est un groupe de punk, ils sont quatre. Hein. Il y a un chanteur, un guitariste, un bassiste et un batteur, et ils ont quand même étaient 24 au total à se relayer pendant 40 ans. Bon, 40 ans c'est grand, mais 24 c'est quand même beaucoup aussi. Alors c'est très marrant, je suis tombé sur cette info sur Wikipédia et il y a tellement de changements de membres de groupe qu'ils ont fait un graphique avec en abscisse le nom de toutes les personnes qui étaient dans le groupe, en ordonnée le temps forcément, et en petite légende les instruments, les albums live, les albums studio, etc. Donc c'est très marrant à voir, j'ai trouvé ce graphique très joli, donc c'est pour ça que je le cite aujourd'hui. Et la chanson bordélique que j'ai choisie, c'est la chanson Nelly the Elephant, qui est une chanson, oui, punk, non, mais surtout très drôle, et je la trouve, oui, un peu bordélique. En tout cas, elle fout le bordel quand il la joue en concert, ça c'est sûr. To Bombay, a travelling circus came.

Voilà, c'était mon interprétation quand on m'a demandé un morceau bordélique. C'était un morceau dont j'ai oublié le nom, qui s'appelle... Amen Herb. Amen Herb, et l'artiste c'est... Bataille Solaire. Bataille Solaire, exactement. C'est un artiste de Montréal, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il est québécois, c'est sûr, et je crois qu'il est de Montréal. Et voilà, en tout cas, c'était mon interprétation du truc un peu bordélique, puisque ça part dans tous les sens. Je pense qu'il y a un gros sample de jazz derrière que lui a bien fumé dans tous les sens, qu'il a bien déboîté, bien découpé. Et puis après, ça part en un espèce de drum and bass sans basse, avec que de la drum. Enfin, je trouve ce morceau assez incroyable et très déconstruit. Donc, c'était bordélique au possible. Et je trouve absolument magnifique. Voilà, je tenais à le souligner. Je crois que l'amour est réciproque et enfin, en tout cas partagé par l'équipe pour ce morceau. Pour finir tout doucement cette émission. Ah, dernière catégorie. Dernière catégorie qui est la musique random, c'est-à-dire un peu genre pas forcément une raison, un hasard, une découverte, une sortie de quotidien, quelque chose comme ça. Toi, Nico, tu avais regardé genre la première chanson dans une playlist? Non, moi j'ai juste... en fait, j'ai une playlist fourre-tout dans Spotify où dès qu'il y a un titre que j'aime bien, je le like et il y a peut-être 2000 ou 3000 titres dans cette playlist. Donc j'ai juste scrollé. Puis à un moment, j'ai arrêté, j'ai mis mon doigt et je suis tombé sur un titre. Voilà comment j'ai choisi ma chanson random, par hasard totalement. Moi, c'est à peu près le même délire. Moi, c'était un peu... J'ai regardé ce que j'ai liké et j'ai essayé de trouver dans les choses que j'ai likées récemment quelque chose que je n'écouterais pas... par réflexe, quelque chose qui était un peu original, mais on vous en passera un de ces deux morceaux-là si on a le temps. Mais pour réellement bien finir ce memento superlatif, battle de superlatif, il y a une histoire de Nils, et ça c'est Tim qui nous a ramené cette histoire de Nils. En fait, moi je vous présente un groupe qui s'appelle Gang, donc ça s'écrit comme un gang, mais comme si c'était à la française, donc G-A-N-G-U-E. Qui est en fait un groupe qui réunit La Fine Équipe, qui est un groupe électronique, Fulgence, qui est un groupe électro également, et Haring, qui est un artiste belge, je crois même qu'il est bruxellois, un pote de Dizzy Salas également. Et on fait un morceau qui s'appelle Nils, et en fait, quand on écoute ce morceau, on retombe sur une de mes vidéos préférées YouTube. En fait, eux se sont amusés à sampler cette vidéo qui s'appelle Nils, qui est en fait une vidéo d'un gamin qui fait du ski et qui fait un petit... dérapage, je ne sais pas comment on appelle ça, un petit chasse-neige devant sa mère, et qui du coup lui flingue son appareil photo, et on a la mère qui se plaint. Je vous propose qu'on passe l'extrait. Oui, bah oui. En plus, pour une fois, c'est très radiophonique parce que l'image n'apporte presque rien. Non, c'est de toute façon, il a défoncé la magie. La magie est dans l'audio, totalement. Et on le voit skier. Ah ben c'est bien, il est super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Putain, mais c'est dingue. Voilà, c'est cette vidéo qui a quand même quelques millions de vues sur YouTube. Je pense que c'est un des classiques de YouTube avec Attention à la mousse ou le mec qui fait brûler un truc dans sa chambre. Sa chambre, ouais, torse nu, complètement défoncé. Voilà, et ces mecs-là ont fait un morceau qui s'appelle Nils et on comprend pourquoi, et je vous propose qu'on l'écoute totalement. Maintenant. Le Memento saison 5, épisode 2 dédié au superlatif, c'est terminé. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur Radio Panique. Merci Tim de nous avoir rejoint une fois de plus pour une émission. Merci à vous, c'est toujours un plaisir. De pur plaisir. Merci Nicolas d'avoir géré tout à la technique. On vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve dans un mois, juste après nous. Et oui. Juste après nous. Oui, d'accord. Le temps passe vite. Merci. Juste après nous, c'est Réservoir Dub. Restez bien sur Radio Panique. En attendant, on se retrouve sur Spotify pour le podcast du Memento sur de ces 5 saisons. Alors les quatre premières sont uploadées. La cinquième, on a encore un peu de retard. Oui. On a un mois de retard, bientôt deux, ah vu bah que dans 2 minutes. Ça va. Ah bah bravo, Nils. Oui. Mais allez nous retrouver en tout cas sur Spotify, 4 saisons avec quelques poignées d'épisodes en tout cas par saison. Soyez parmi les 10 auditeurs qui nous écoutent quotidiennement sur Spotify, il y en a nombreux. À dans un mois, en tout cas merci Arthur. Passez. Du coup on te dit jamais merci parce que c'est à chaque fois toi qui as la parole. Merci Arthur. Merci à moi. Et très belle soirée.